Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est pas vrai, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 7 au 13 novembre 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin a congé cette semaine. Elle va être de retour parmi nous la semaine prochaine. C'est certain. Elle n'était pas avec nous à Assemblage Requis cette semaine non plus, aujourd'hui. Parce que là, un petit malaise aux dents. C'est comme ça, pour ceux qui veulent être au courant de sa vie personnelle. Aujourd'hui, l'émission, comme toujours, on a 3 heures de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir, c'est-à-dire un top 20 francophone et un top 20 anglophone. Étant donné que Tania n'est pas là et qu'on n'a pas vraiment de chronique à faire aujourd'hui, on devrait être bon pour passer à travers une bonne grosse majorité, sinon presque totalité de nos palmarès. Je parlerai vraiment pas beaucoup aujourd'hui. Donc, on va savoir d'ici la fin de l'émission. C'est le numéro 1, c'est We Are Wolves, comme la semaine passée avec Au revoir les crapules, alors qu'en anglophone, la semaine passée, c'était Opeth avec Will of the Wisp. Donc, on va savoir dans plus ou moins 3 heures si c'est toujours au sommet. On a aussi 6 nouvelles entrées, donc on va voir plus tard Mauve, Balmoral, Chocolat, Pop, Preoccupations et The Pack 80. Commençons en 20e place. Justement, tout à l'heure, il y aura The Pack 80 avec So What, deuxième extrait de l'album Positive Thinking, en 20e place anglophone. Mais commençons avec une nouvelle entrée, un retour pour Chocolat sur l'album Rencontrer Lulu. Voici Ah oh, ouais! Au palmarès, c'est foufou! 89.1 FM! Entrée. Try. muraille s'est effondrée. Écrire ton nom et t'offrir une carte est détachée. Tu liras jusqu'au bout, le parcours est dévoilé. Monter l'étage pour choisir un rêve ou bien la clé. Nous éclairons la tour, resterons les cœurs brisés. Tourner tout bord de côté, la vague est s'engager. Nous partirons un jour, gravirons l'adversité. Dispersons le doute, rapiaçons le temps passé. Poursuivre la route sans détour, l'attente est terminée. Nous acquiesçons l'amour, détournons l'hostilité. Monter l'étage pour choisir un rêve ou bien la clé. Nous éclairons la tour, restaurons les cœurs brisés. Tourner tout bord, tout côté, la vague est s'engager. Nous partirons un jour, gravirons l'adversité. Nouvelle entrée. Pardonnez-moi. Preoccupations avec Anxiety. Au palmarès, c'est fou. Preoccupations qui s'appelait Viet Cong à l'avant. Avant ça. Hein. Un groupe de post-punk canadien originaire de Calgary dans la province de l'Alberta, fondé en 2012. Le groupe se compose de deux ex-membres de la formation Women, le bassiste et chanteur Matt Flagel et le batteur Mike Wallace. Donc ça, c'est Preoccupations. Leur album s'appelle aussi Preoccupations. Avant ça, on a entendu Balmoral et la pièce Vertige sur leur album du même nom, Vertige. Un groupe qui date de 2009 et qui cumule jusqu'à présent 4 maxi. Des Lendemains qui chantent en 2009, Artifice en 2012, Anaconda aussi en 2012 et Vertige en 2016. Ainsi que deux albums, Stiletto, La chute de l'ère romantique Part 1 en 2011 et Millinit en 2014. En plus de profiter d'une enviable diffusion sur les radios satellites, Balmoral s'est hissé à 11 reprises sur les palmarès des radios universitaires et indépendantes. Ça, c'est selon leur Bandcamp. Avançant en 20e place anglophone, c'était The Pack Haley avec So What sur l'album Positive Thinking. The Pack Haley, bien sûr, on en parle souvent. Et ils sont souvent dans les palmarès. Un groupe de garage rock canadien, un duo de Vancouver en Colombie-Britannique, reconnu pour leur performance live devant public et leur capacité à générer des sons massifs avec seulement deux membres, disent-ils. Donc, ils jouent du garage rock pop punk. Et au début du bloc, c'était Chocolat avec En Ouin sur l'album Rencontrer Loulou. Membres Jimmy, Isaël, Emmanuel, Christophe et Evan, 5 personnes, un groupe de Montréal, c'est sur Dare to Care. On les aime bien, Chocolat, avec Rencontrer Loulou, leur plus récent album. Il nous reste encore 2 nouvelles entrées, donc allons-y à l'instant. En position numéro 18, anglophone, ce sera Pop avec Can't Win sur l'album The Dream Is Over, mais avant ça, en français, voici Mauve. Et un nouvel extrait de l'album Coco, c'est J'ai tout essayé. Cadre de FFM, c'est fou. Dans vos oreilles. J'ai Nouvelle entrée. De Pop, c'était Can't Win. Position numéro 18 anglophone sur l'album The Dream Is Over. Pop, on a déjà parlé d'eux parce que c'est leur deuxième pièce de cet album-là. C'est un groupe de punk rock canadien de Toronto en Ontario, formé en 2013 à l'origine sous le nom de Topanga. Donc ils ont déjà été sur le palmarès sous le nom de Topanga, ce qui est quand même un petit peu bizarre. C'est la même chose que le groupe de tantôt, Preoccupations, qui était Viet Cong. Ça fait mêlant un petit peu quand c'est le même groupe mais avec un autre nom différent. Avant ça, c'était Mauve en position numéro 18 francophone. J'ai tout essayé sur l'album Coco, album qui est disponible partout en ce moment même. Mauve que j'adore, je trouve ça fantastique. Coco qui paraît à l'automne 2016 chez les disques Coyote. Mauve entend revenir à la proverbiale base du style, élaguer ses arrangements et rétrécir l'espace séparant l'insolente énergie qu'il déploie sur scène de la relative modération prévalant jusqu'ici sur les enregistrements. Emmanuel Etienne, avec qui le groupe a jadis fraternisé autour de leur amour commun pour le hip-hop, est l'homme désigné pour mener à bien cette mission. Pourquoi lui? Parce qu'il partage leurs références, certes, mais surtout parce que c'est le réalisateur le plus coco, explique les garçons. MauveMusic.bandcamp.com, c'est un groupe à découvrir si vous ne les connaissez pas déjà. Mauve. M-A-U-V-E-S-O, pluriel. Maintenant, on va faire un bloc de 16 et 17. On va faire un bloc trois quarts, comme on l'appelait dans le temps. On va sauter par-dessus Émile Bilodeau. On va entendre Moussette et Croy. Mais débutons en 17e anglophone pour faire changement. Ça descend de 5 places. Voici Royal Canoe et Somersault. C'est les palmarès, c'est fou. 89 FM. We'll be right back.

juste où ça passe. Grâce, l'indiscipline. Me. c'était Croy avec River qui descend de 6 places sur l'album Scavenger. Avant ça, Moussette, Insouciance descend de 4, 7e semaine de présence. Et on a débuté avec Royal Canoe et Somersault qui descendaient de 5 places en anglophone. On a sauté entre-temps par-dessus Émile Bilodeau. Et j'en ai plein mon casque depuis 5 semaines qui descend de la 13e. On va faire la même chose dans le prochain bloc, les 14 et 15, sauf une pièce, donc un autre bloc 3 quarts. Plus tard, il y aura Ripley et Creef. Mais commençons avec Occoville River et The Industry. On parle assez fou sur les 89.5. Me against something so big and abstract that I can't tell what it is. All while you're out there grinding on some poor girl who is backstage at the 6.8 Rock Fest. Record was Baby, Creef et Mississippi, position numéro 9 de la semaine passée qui descend en 14e place sur l'album Automatic. Avant ça, du côté francophone, oui, c'était Ripé avec Manque de respect qui monte de la 19e place. C'était une nouvelle entrée la semaine passée sur l'album, en fait sur son maxi, Ripé Rock le Rock. Et au début du bloc, on a entendu Huckerville River et The Industry qui descendent de la 7e à la 15e place. L'album s'appelle Away. Je trouve que c'est un bon petit concept qu'on a là, mais on va devoir sauter par-dessus plein de pièces maintenant. On va seulement en entendre une. On va entendre la plus jeune. Tiens, on va entendre Like a Motorcycle avec Into the Night. C'est la position numéro 13 sur l'album High Hopes. C'est tout de suite au palmarès. C'est fou. Aurais-tu fini de me blâmer de t'avoir si t'essaies de me faire dire des choses qui mènent à tout finir. C'est pas que je t'aime plus, c'est que je t'ai jamais aimé. C'est pas que je t'aime plus, je t'ai jamais aimé. C'est pas que je t'aime plus, je t'ai jamais aimé. C'est pas que je t'aime plus, je t'ai jamais aimé. Hey Babies avec Pour le mal, pour l'amour, pour le mieux sur l'album La Quatrième Dimension, position numéro 12. Ça monte de 5 places, c'était une nouvelle entrée la semaine passée. Avant, on a entendu Like a Motorcycle Into the Night qui monte de 6 places, c'était une autre nouvelle entrée la semaine passée. On a sauté aussi par-dessus Les Passagers avec Chacun de nos pas en 13e francophone et en 12e, oui, anglophone, c'était les deux luxes qu'on a sauté avec Springtime Devil. On saute aussi par-dessus les 11e places en francophone KNLO avec Tabac Indien et en 11e anglophone Tunes ou Tunes avec Mind Over Matter. Et on termine la première portion de l'émission ici. Dans quelques instants, ce sera la portion top 10. Là-dedans, on va entendre entre autres la Féline Médicayenne, Duchess 16, Bear Mountain et The Jessica Stewart Few. C'est dans la deuxième heure des paroles. C'est fou! Restez avec nous. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. C'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 7 au 13 novembre 2016. C'est toujours Mathieu Plante, Tania Baudin à congé cette semaine. On va être de retour la semaine prochaine. C'est pas mal garanti, en tout cas, je l'espère bien, que ça va aller mieux. Bref, vous écoutez l'émission qui attire le monde, ça se peut pas, le son est enivrant. On est rendu dans la portion top 10 en anglophone. La 10e, c'est de Jessica Stewart Few avec Easier Said Than Done qui monte de 7 places. Nouvelle entrée de la semaine passée sur l'album de Passage. Mais on va débuter du côté francophone avec Médicayenne qui monte de 6 places. Aussi, nouvelle entrée de la semaine passée. Voici La Pluie tout de suite dans les palmarès. C'est fou, 89 FM. Qui m'emmène try new things. Never let them see you feel low. Give me time to play a while. Look for peace and love your neighbor. Keep the motivation high. Only way that you'll fail is to let persistence die. Au-delà de Et la pièce Hopeful, position numéro 9, qui descend de la 5e place sur l'album Badou. Et avant ça, du côté francophone, ce qu'on a entendu, ben, c'était Bardo. Bardo, voilà, B-A-R-R-D-O, avec Au-delà, la nouvelle entrée de la semaine passée qui monte de 9 places sur l'album Apologie des États Seconds. Maintenant, un bloc de 2 pièces, c'est simple, on n'a pas fait beaucoup de blocs de 2 pièces jusqu'à maintenant, donc allons-y. Du côté anglophone, ce sera Dutch 16 avec I Repeat Myself qui monte de la 11e, 3e semaine de présence. Mais tout de suite, c'est La Féline qui est là depuis 4 semaines, stable en 8e. Voici la pièce Trophée tout de suite dans les palmarès, c'est fou sur le 89.fm. Le monde Duchess says et I Repeat Myself qui monte de la 11e à la 8e place. L'album s'appelle Science Nouvelle et avant ça c'était La Féline avec la très bonne pièce Trophée qui est stable en 8e franco sur l'album Singa. Maintenant, 7e place du côté anglophone, Duchess, pas Duchess 16, on vient juste de l'entendre, voyons donc. 7e place de Luyaz avec 16 You qui descendent une, mais tout de suite on écoute Saratoga, les pièces de son album Fleur qui monte de la 15e à 7e place francophone. Ça se passe tout de suite au palmarès, c'est fou. L'allure, tu brûles à mesure, tu tournes les coins ronds, tu passes droit, ralentis l'usure, à quoi tu we'll be right back. très long, mais très enveloppant. Pièce Says You par The Luyas. Position numéro 7. Ça descend d'une place sur l'album du même nom, Says You. Avant ça, Saratoga avec Fleur. Monte de la 15e à la 7e place. Maintenant, pour les 6e, en anglophone, Adalea et Looking Back. Mais tout de suite, voici Elle me tue. Stable en 6e avec Tous les chemins mènent à Rome. Thank you. tangled web of solid step to keep me from wandering. Looking for my own road, cause I know that I just followed yours for as long as we know. Looking for a clear sign, an open door I won't pass before I ever wanted to go. Red light star, and you avec Looking Back, position numéro 6, ça monte de 12 places, donc c'était la 18e position la semaine passée en nouvelle entrée. Avant ça, en francophone, on a entendu Elle me tue avec Tous les chemins mènent à Rome, stable, donc de l'album Rare à l'état naturel. Comme on est rendu au 6e place et qu'on ne commence pas les 5e avant le début de la prochaine heure, on a du temps pour revenir sur des pièces qu'on a sautées précédemment. Et pour commencer, les 11e, donc en anglophone, ça descend de la 3e, Mind Over Matter par Toons. Mais avant ça, on écoute le hip-hop de KNLO. Voici Tabac Indien dans les panneaux assez fous, yo yo yo! 89 FM! Indien comme le Tabac Indien, même pas Indien! Indien comme le Tabac Indien! Ok là! Walkie, get mon tabac indien. Back at Canada, walkie, get mon tabac indien. Check it, don't stick it back at Canada, walkie, get mon tabac indien. Back at Canada, walkie, get mon tabac indien. On bouge pour une révolution, mais grosse pas fait. Au cégep, j'pense toutes mes profs de philo pas fait. Comme les 70s, que ben serait ton soviet. Ben caché sur le backseat, caché en dessous d'une serviette. Go ask Gaston Barrett, go ask Jeffrey Kelly. About les politiques, oubliez jamais Telly. Les prix ont stagné, c'est pas comme Sego Video. Back, ça m'arrive le temps de 48, 808. Juste par ça, dans y'en pique, moi jamais revenir. Un camé avec des fleurs en cristaux, pis un slowy. C'est un détail, là, j'suis pas d'argent, no way pour nous sauver. Back in Canada, walk it, au moins j'ai pas snowy. Fait de riz, la mort à verre dans pis de tabac. Donne le rire facile comme un Saint-Louis, tu ah. Merci la vie de pure, but j'suis steady smoker. Ça c'est un pour la cigarette, le reste trop pas. Back in Canada, walk it, keep mon cow ain't it. Back in Canada, walk it, keep mon cow ain't it. Back at Canada, qui give mon tower ain't it? Pas d'inflation, les prix ont juste l'air de baisser. Mon skip ben raide, le trafic du pont genre quartier. Prochaine paye dans prochaine heure, prochaine sortie. Ain't it comme le tower ain't it, même pas ain't it. Blanchi comme la farine, l'histoire pas pérince. J't'en garde contre la clope comme mon vieux patin léché. Hola, sola, chili, ça c'est le bel adlecci. Donne la voie lactée, petite, casse même pas le bessic. Bienvenue aux Anunnak, il faut pas freak out, listen. J'peux pas prendre ça pour ce cash, même si tu show love. Elle trois quarts des Yumblas dans mon hood, on se flow love. Alright. Okay. Old can hook. New can hook. Alright. Check me don't see you back at Canada Walkie. Tower ain't it? All right. Akila. Back at Canada Walkie. Get more tower ain't it? Back at Canada Walkie. Check me don't see you back at get some tower ain't it? Yo, when y'all that life bad, you like mine? I'll settle for any feeling of Mind Over Matter dans les paroles assez fous. Avant ça, on a entendu KNLO avec sa musique de drogue et pop-rap tabarésien. Il descend de la 7e place sur l'album Long Jeu. Il reste encore plein de places. Colin, c'est la fin de la 2e heure. Je vous l'avais dit que je parlerais pas beaucoup, que je ferais plein de blocs musicaux. Donc, on a accumulé plein de temps, tel des 1000 air miles, mais au moins, nous, ça sert à quelque chose parce qu'on peut aller entendre d'autres pièces. On va écouter pour l'instant les deux luxes avec Springtime Devil et puis après ça, bon, on verra. Je pense que ça va être probablement les passagers avec chacun de nos pas. Maintenant que je l'ai dit, ça va être ça. On écoute ça. Puis on se retrouve après pour la fin de la 2e heure et peut-être même le début de la 3e. Hein? On se garde, hein? On se garde. C'est pas mal assez fou. Silver tongue, the same old thing that I heard sung to me last spring. You're living off a memory of youth, not love, of apathy, misanthropies, a sentiment you provoke in me so well. I won't descend back to your hell. We'll be right back. les passagers, la pièce chacun de nos pas descend de 3 places en 13e position. Angle 3, 2, francophone, ben oui, les passagers, come on, réveille un peu. Avant ça, c'était les deux Luxe avec Springtime Devil. C'est eux qui sont supposés être confusants, comme on appelle des fois. Les deux Luxe, parce qu'ils sont en anglophone, puis leur nom, c'était en français. Hein. Donc ça monte de la 13e à la 12e place, et je sais que confusant n'est pas un mot. C'est la fin de la deuxième heure, on se retrouve dans quelques instants avec Antoine Corriveau, We Are Wolves, Lisa Leblanc, Charlie Wilson, Opeth, Groenland, Lydia Kepinski et plusieurs autres dans les paroles. C'est fou, restez avec nous. Toujours les panneaux assez fous pour la semaine du 7 au 13 novembre 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin va être de retour la semaine prochaine. Parmi nous, j'espère bien, en tout cas, qu'elle va être de retour. D'après moi, d'ici la semaine prochaine, ça va aller. Assemblage requis de ce mercredi matin, pas certain. Pour les gens qui nous écoutent en direct, on va voir. Se faire enlever une dent là, en direct. Ça doit être fini de dormir à ce moment-ci. Bref, on va prendre des nouvelles d'elle dans la prochaine édition d'Assemblage requis. Ça se passe mercredi matin à 6h30. Troisième heure des palmarès, c'est fou. C'est le moment de faire le top 5. On va savoir d'ici la fin de l'émission si le numéro 1 francophone est toujours We Are Wolves avec Au revoir les crapules. Et en anglophone, on va voir si c'est Opeth avec Will O' The Wisp sur l'album Sorceress. Mais on n'est pas encore rendu là. On a quand même plusieurs choses à faire avant. Commençons par un petit bloc de 4 pièces. Plus tard, We Are Wolves, Tania Tegak. Oh, ben quand même, We Are Wolves. Ça a eu un petit peu de voler le punch. We Are Wolves de Talia Tagak et Charlie Wilson, mais commençons avec Antoine Corriveau qui monte directement de la 20e place et franchit quand même le 3 quarts des palmarès. C'était une nouvelle entrée la semaine passée sur l'album Cette chose qui cognait, attends un peu, Cette chose qui cognait au creux de sa poitrine sans vouloir s'arrêter. C'est le nom de son nouvel album, Antoine Corriveau. Il aime ça original de même. Donc en 5e position, voici Rendez-vous tout de suite. Vous parlez assez. 89. Je ne serai pas au rendez-vous, l'endroit ne m'intéresse pas. Et une part de nous restera debout, et ne bougera pas, et une part de moi. En ligne longue et stressée, je suis fatigué. Tellement fatigué, c'est mon corps au complet, c'est mon corps au complet qui va s'arrêter. Assommé par le bruit des bêtes qui beuglent, des faux exposés sous les néons qui m'aveuglent. Mais c'est que c'est une autre vie qui commence ici. Mais dites-moi, c'est cimetière que vous fuyez, racontez-moi toutes ces bombes qui ont sauté. Pour la faire taire sans l'étouffer. ces bancs qui en sautaient. Anywhere you go, I'll go too. When you fall,

the center of the center of the earth, entering the entrance of a birth. Remember to remember is to enter in reverse, to the center of the center of the center of the dot and disperse. The dust in the wind to a dust in the earth, the universe of dot at the center of the person. The circle never stops from the first rock drop to forever, like dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot. Tania Tagak avec la pièce Center, position numéro 4, qui monte de 16 positions. C'est Tania Tagak featuring Shad en passant. Avant ça, on a entendu We Are Wolves avec Au revoir les crapules, lancé numéro 1, ce qui veut dire qu'on a un nouveau numéro 1 du côté francophone. On va savoir c'est qui d'ici peut-être une quarantaine de minutes environ, c'est la fin de l'émission. Mais il nous reste encore le top 3 en temps. On en avance vraiment, on est rendu dans la crème de nos palmarès, donc en anglophone. Ben, la crème, apparemment, c'est Lisa Leblanc avec Ace of Spades. Hein, c'est pas l'avis de tout le monde, mais quand même. Ça monte d'une place sur l'album Why You Wanna Leave, Runaway Queen. Et avant ça, c'est Gasoline qui est stable en troisième franco avec Ne m'oublie pas. Les voici tout de suite dans les palmarès. C'est fou. come to lose. And gambling is for fools. But that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. Et Ace of Spades, position numéro 3 du côté anglophone. Et ça, ça monte d'une place sur l'album, encore une fois, Why You Wanna Leave Runaway Queen. Avant ça, Gasoline et Ne M'oublie Pas, qui est stable sur l'album Brûle Ensemble. Ça, je ne l'avais pas dit encore. On est rendu aux deuxième place. Il m'a resté une demi-heure environ à l'émission, donc on va avoir du temps pour reculer un petit peu en arrière dans nos palmarès, mais pas trop trop. Bref, on a aussi la section ailleurs dans les palmarès que j'ai oublié de mentionner tantôt. En deuxième place, anglophone, c'est Opeth, l'ancien numéro 1. Oh oui! Avec Will-O-The-Wisp sur l'album Sorceress, ça veut dire qu'on a un nouveau numéro 1 anglophone. Ooh, suspense! En francophone, ça monte de 7, c'est Clopelgag, l'adorable Clopelgag. Et sur son album L'Étoile Thoracique, on s'en va entendre. Cette pièce, maintenant rendue presque classique, du moins populaire, c'est Samedi soir à la violence au palmarès fou. J'entends souvent cette voix, celle qui habite en toi. Je les entends toujours, tu vois, des éclats de rire figés par le froid. Il me blesse maintenant que tu ne te souviens plus comment. S'il te plaît, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. Si ta mémoire, c'est moi, sauve-moi, sauve-moi. S'il te plaît, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. Si la lumière te voit, sauve-toi, sauve-toi. S'il te plaît, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. S'il te plaît, ne m'oublie pas, souviens-toi, souviens-toi. S'il te plaît, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. S'il te plaît, ne m'oublie pas. Je sillonnerai les fjords de Norvège, tu n'es pas pour un dessin. Je te rappellerai les mots que tu préfères, il te manque tellement déjà. Je te rappellerai le nom que tu m'as donné. Si ta mémoire se noie, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Deux. When you're tired of waiting, when time is not on your side, when you're tired of hating me, you no longer want to hide. You're stuck to the failures of your life, or with the sorrows of your strife. When time avec Will of the Wisp, l'ancien numéro 1 anglophone, maintenant en deuxième place sur l'album Sorceress, et avant Claude Belgag avec Samedi soir à la violence, qui monte de 7 et qui est là depuis 7 semaines avec l'étoile thoracique. Ça, c'est son album. Maintenant, avant de passer au numéro 1, comme à chaque semaine, c'est le moment d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, c'est ailleurs dans les palmarès! Ailleurs dans les palmarès, c'est la section de l'émission. On regarde ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou. C'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone. C'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens et un top 10 loud. Commençons par le top 30 des albums. Une seule belle entrée, deux de belles entrées, pardonnez-moi. En 29e place, c'est la formation Scare avec l'album Fleshed Out. Et en 21e place, Duo Tang avec New Occupation. Eh ben, dans le top 3 maintenant, donc en 3e place, ça monte de 16, Tania Tagak avec Retribution. Et en 2e place, c'est Lisa Leblanc avec Why You Wanna Leave, Runaway Queen. On saute par-dessus le numéro 1 parce que, Colin, on va pas voler le punch. Dans le top 3, est-ce que Canadien, en 3e place, Tania Tagak encore. En 2e, Lisa Leblanc aussi. Et en 1ère place, encore une fois, un secret. Dans le top 10, Loud, une seule nouvelle entrée. En 10e place, Dark Throne et l'album Arctic Thunder. En 3e place, en fait, le top 3 est stable. Donc en 3e place, Red Fang avec Only Ghosts. En 2e, 7e semaine de présence pour Opeth et Sorceress. Et en 1ère place, c'est Epica avec l'album The Holographic Principle. Voilà. J'avais pas vu qu'il y avait Duo Tang dans le top 30 des albums, donc j'ai choisi autre chose. Peut-être que la semaine prochaine, j'essaierai Duo Tang, mais j'avais choisi donc une pièce de Scare. Une nouvelle entrée en 29e place sur l'album Fleshed Out, voici. Et ça a l'air vraiment intense, là, c'est pas mon genre de musique, mais peut-être est-ce le vôtre. Voici Lil Jon vs. Satan, tout de suite ailleurs dans les palmarès. Palmarès, c'est fou! Was it necessary that you kill all of them? I only told you to scare them! People scare better when they're dying. Scare avec Lil Jon vs. Satan sur l'album Fleshed Out Scare. C'est un groupe de Québec. C'est bien ça? Attends un petit peu, j'avais sorti l'information tantôt et là je l'ai enlevé. Qu'est-ce que j'ai fait là? Attention. Mais en bio, j'avais ça tantôt, j'avais là, 2 secondes. J'ai perdu ça? En tout cas, je pense qu'on va s'en passer. Hein? Je l'avais pour vrai. 2 secondes. Non, bon, laisse pas. Donc, c'est un groupe du Québec. Voilà. Scare. S-C-A-R-E. Vraiment pas mon genre, vous le savez. Et si vous écoutez les émissions que j'anime, c'est pas le genre de musique que je fais jouer. Mais bon, au moins, il faut voir le bon côté des choses. Au début, je voulais choisir une pièce de 4 minutes et demie parce que je trouvais que ça allait remplir plus de temps. Mais bon, c'est de la ville de Québec qui viennent Scare. Maintenant, comme on a fait ailleurs dans le palmarès, qui était la position d'ailleurs 29 en nouvelle entrée du top 30 des albums, c'est le moment de faire les numéros 1. Donc en anglophone, ce sera nos amis de Groenland avec Distraction, Distractions, qui montent une place sur l'album Wider Space. On aime tellement ça. Mais avant ça, c'est le moment de se nettoyer les oreilles un peu de ce qu'on vient d'entendre avec Lydia Kepinski. Voici le numéro 1 francophone. Apprendre à mentir au palmarès, c'est fou. Je pourrais te dire de potent phare, ils vont revenir. Mais je sais qu'il est parti pour partir. Je pourrais te dire que tu peux compter sur moi. Mais je me ferais peu confiance si j'étais toi. What do you need proof for? When

parce que Tania, en fait, je crois qu'elle va être de retour. Oui, ben on va dire ça. En plus, c'est avec Tania Baudin à partir de 15h. Puis à 16h, c'est la sortie de Secours est à votre gauche. Puis Julien Liberté, Radio Sonic et Audiomatique. CIF.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Comme on a réussi à jouer notre top 40 pour la première fois depuis que je me rappelle, même pas quand est-ce qu'on a fait ça. Ça fait longtemps, maudit. Donc, ça veut dire qu'on a plus rien à jouer. Donc, on va y aller avec une pièce qu'on a vu quitter récemment nos palmarès. Donc, une pièce qu'on appelle Palmer Rest in Peace. C'est par Person, la pièce Mr. Howard. On se quitte là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine. Ainsi qu'à Assemblage Rocky du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Au Mathieu Plante Show les mercredis à partir de 15h. Tania est en piste avec Tania Baudin à 14h les mercredis. Elle va être de retour, j'espère, pour Assemblage Rocky demain matin. Voilà. Donc, c'est tout. À la semaine prochaine. Bye bye.